C'est pas évident de marcher dans une tempête de neige au mois de mai, que ce soit ici ou ailleurs. La neige tombe à l'horizontale et le vent fouette la ville comme son esclave, comme au milieu de l'hiver. Comment marcher dans la ville pour la connaître, la voir, la surprendre, si on doit baisser la tête pour avancer?